chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Wahlberg Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. Dimanche, je me suis entretenu avec un pilote qui a participé à la 11e édition des régates de Saint-Félicien, Éric Langevin, dans la classe Grand Prix, qui a terminé en deuxième place. Je me suis entretenu avec lui avant la finale, donc on écoute ce que ça a donné. Comment? On est aux régates de Saint-Félicien, et avec moi, ben, j'ai un pilote de la section Grand Prix, Éric Langevin. Bon après-midi, M. Langevin. Bon après-midi à vous aussi. Si on parlait un peu de la fin de semaine, comment vous trouvez ça, votre séjour à Saint-Félicien? Ben, ça va très bien jusqu'à présent. On a une victoire, deux deuxièmes places en qualification. Donc, on se prépare pour la finale avec le troisième corridor. On est content. OK. Le fun est à quoi? Avant, les filles, est-ce que pour les pilotes, vous aimez ça? Oui, je pense que c'est bien. Moi, je suis content, c'est sûr. On se prépare là, pour la grosse course en même temps. On essaie nos setups. Oui, c'est intéressant. OK. Est-ce que vous faites ça régulièrement? Est-ce que vous faites le circuit complet à toutes les courses? Oui. Nous, le circuit Grand Prix, il y a 8 fins de semaine. OK. Je participe aux 8 fins de semaine. OK. Si on parle un peu de la saison, comment ça va jusqu'à maintenant? Je pense qu'il y a une course de fait, hein? Non, il y a deux courses de fait. Okay. Une course en Floride, une course en Ontario. Cette fin de semaine, c'est la troisième. Donc, ça va généralement bien pour nous. Je crois qu'on est cinquième au championnat. Malgré des petits pépins qu'on a eus en Floride. Sinon, les choses vont rondement pour nous. Pour un pilote, est-ce que les réglages sont différents de course en course? Comme exemple, Saint-Félicien, est-ce que les réglages sont différents de les filles? Oui, on apporte des ajustements, c'est certain. Les tournants ne sont pas pareils d'un endroit à l'autre. Les longueurs des parcours ne sont pas identiques. Donc, oui, on s'ajuste. OK. C'est même une longue préparation, une course comme entre les week-ends. Est-ce que vous faites une longue préparation? Ah oui, les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point on passe du temps là-dessus. Moi, personnellement, c'est sûr que j'y mets une trentaine d'heures par semaine. Oh! Ça, c'est plus votre travail, j'imagine. Plus mon travail, exact. Puis ça, c'est sans compter les heures de mes coéquipiers qui en mettent toutes, eux aussi, là, entre 20 et 30. C'est quoi que tu as dit demain? C'est la passion, j'imagine? Ouais, c'est ça, c'est la passion. C'est la passion de dépasser les autres, mais se dépasser aussi. OK. Est-ce que on peut comparer ça à une Formule 1, genre la section Grand Prix? Parce que c'est bas, là, c'est très bas. Oui, effectivement. C'est vraiment des bateaux spécifiques pour rouler vite. Ça ressemble en rien à un bateau de plaisance, un peu comme une Formule 1 qui ne ressemble pas à une voiture normale. OK. Également, j'imagine que le budget est important. Hein? Ah oui, c'est sûr. Il y a une bonne partie de la paye qui passe, c'est certain. Merci. Donc, Langevin, bonne fin de séjour au lac Saint-Jean, puis on s'en reparle. Merci beaucoup. Éric Langevin, coureur de la section Grand Prix. Je vais vous donner ma caméra. Merci beaucoup.